Le vif de l'histoire et les 40 ans de la mort de Lennon. Regard sur l'assassinat, la mort de Lennon, cet événement et ses échos aujourd'hui encore, vu de Prague. Ben oui, la nouvelle n'a pas fait le même bruit du côté communiste que du côté occidental. Les marchands de musique, d'ailleurs, n'avaient rien à faire de ce marché fermé qu'étaient les pays de l'Est. On est un peu à l'époque qu'évoquait à l'instant Olivier Legrain, mais à Prague, on est au creux de la période dite de normalisation qui a suivi le printemps de 68, le printemps de Prague, oui. Et l'occupation des troupes soviétiques. C'est l'époque où, pour marquer son opposition, les Pragois se donnent rendez-vous au pied de la statue de Lénine, mais au cul de la statue. L'étudiant Jan Palach s'est immolé par le feu en janvier 69, et c'est à la même date que les Beatles ont donné un dernier concert privé sur le toit de leur immeuble à Londres. Alors Prague faisait-elle le rapprochement? Sans doute. D'ailleurs, quand Radio Free Europe diffusait les albums d'autrefois du groupe, et aussi bien les productions solo de ses anciens membres, elle les présentait comme des symboles de liberté. Et c'est ainsi qu'un quidam eut l'idée de mettre un petit mot à la mémoire de John Lennon, aux côtés d'une fontaine dans le quartier de Malastrana, à flanc de colline, à deux pas du pont Charles, tout près de l'hôtel Buquois, l'ambassade de France. Et ce fut l'origine du mur Lennon. Et oui, on sait, Bruno, comment un ex-voto peut donner naissance à un autre, puis encore à un autre, et comment les messages d'amour, d'intercession, de remerciement peuvent se multiplier dans un endroit qui, peu à peu, se sacralise. Qu'on pense au cadenas d'amour du Pont Neuf ou au monument improvisé à Lady Di à l'Alma. Mais le mémorial qui se construit spontanément à Prague avait un caractère politique. Certes, les Beatles avaient commencé à faire des chansons politiques seulement après la mort de leur manager, Brian Epstein, mais l'arrestation de Lennon et d'Harrison pour possession de drogue, ayant cessé d'en faire les chouchous de l'establishment, ils avaient d'autant plus facilement rallié le grand mouvement de protestation de la jeunesse mondiale en 68-69. Les jeunes tchécoslovaques les préféraient évidemment au Tché, figure qui était une figure de ralliement à l'Ouest uniquement. Ils savaient, eux, ce qu'était le communisme réel, et ils se retrouvaient dans les propos de Lennon qui excluaient le retour à la violence. Eux-mêmes n'avaient que des mots et la musique à leur disposition. Et du souvenir de Lennon, ils attendaient qu'il redonne des couleurs à leur vie. Et c'est ainsi que le mur fut bientôt couvert de portraits du Beatle et d'inscriptions les plus diverses sur 10-20 mètres de long. Un mur psychédélique dans une Prague qu'il faut avoir connue à l'époque pour savoir ce que pouvait être la tristesse d'un pays. C'était un régime de lettres de cachet qui était d'autant plus redoutable que, comme dans la lettre de cachet, la fin n'en était pas fixée. Réaction bienveillante et douce des autorités communistes. Évidemment, Bruno. Peace and love, c'était précisément leur mot d'ordre. Non, assez régulièrement, elles repeignaient leur mur dans les couleurs préférées. Quelles y étaient les leurs, le gris, le vert de gris. Mais le mur appartenait à l'ambassade de l'ordre de Malte, on ne pouvait l'abattre. Et puis il servait d'exutoire, et on le localisait, on le circonscrivait, et du coup on le laissait continuer à vivre. Alors ça, c'est les années 60-70, et puis l'époque a changé. Lennon meurt en 80 quand commence un grand basculement. L'URSS a lancé l'invasion de trop, celle de l'Afghanistan, et c'est le début de sa fin. La révolution iranienne relance une religion régulière, l'islam, tandis que le communisme, idéologie séculière, s'effondre. À Prague, bientôt une révolution non violente, qu'aurait aimé Lennon, l'emporte. Le premier président du pays démocratiquement élu, Václav Havel, avait le style des Beatles d'ailleurs, ses conseillers, circulaient en trottinette dans les longs couloirs du palais du Hradchin. Aujourd'hui, le temps des dissidents est révolu, le mur Lennon existe toujours, mais les riverains qui ont acheté et rénové à grands frais les maisons du vieux Prague ont protesté contre le bruit provoqué par les attroupements de touristes et de musiciens. Et le mur est dorénavant clos par une enceinte et surveillé par des caméras. Seuls peuvent y intervenir des artistes professionnels. Alors on sait peut-être qu'un autre mur, Lennon, existe à Hong Kong dont l'avenir n'est pas assuré et il risque même pas de devenir un jour un objet de tourisme. Jean Lebrun, le vif de l'histoire avant 14h.